Depuis que le monde est monde, y a même pas eu 100 jours de paix. Et à toutes les 100 secondes, pendant qu'on se barre les portraits, ailleurs une centaine d'enfants se mangent une main, gardent l'eau pour demain. Ailleurs, au bout de leur sein, des mamans font du lait de leur sang. Mais ici, maman, la nature a les seins en crème un peu sûre. Et pour le tiers-monde, nos ordures feraient encore de la bonne confiture. Ailleurs, des milliers d'enfants se font putain pour un peu de pain. Ailleurs, des petits conquérants tirent du fusil dans des vagins. Mais ici, à peine 200 humains, assistés de 500 000 savants, font du pain dont nous sommes le levain, et leur vin est le fleuve de notre sang. Des milliards de dollars par jour pour faire manger la mort et l'amour, et 30 millions de militaires avec leur gueule en canon sur la terre. Je me sens bien souvent impuissant devant les missiles des puissants. Mon arme n'est qu'une chanson de paix. Que peuvent changer les mots, même les plus forts, même les plus beaux, quand d'autres disent que la paix, ce n'est que mort qu'on la connaît. La mort commence par l'indifférence, mais l'espoir c'est toute la différence. Et je sens que si toute la terre chantait en même temps cette chanson, à l'oreille de tous les gouvernants, toutes nos voix seraient plus fortes que les canons. 5 milliards de poissons vivants, ce seul mot deviendrait une bombe, une bombe, une bombe, une bombe de...